Voici le résumé du commentaire du quotidien Rodong Sinmun en date du 18 Goron. Impossible de se débarrasser de la responsabilité de l'actuelle situation. Le 15 dernier, le gouvernement sud-coréen a prononcé le message commémoratif du 15 août. Il y a absurdement dit que l'actuel immense défi est le problème nucléaire et des missiles du Nord, et lancé des propos provocateurs tels que isolement international et avenir terne. Son dernier message vise sournoisement à rejeter à nous la responsabilité de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne et à réaliser la politique de nature traîtresse avec les forces étrangères. En date du 18 Goron, impossible de se débarrasser de la responsabilité de l'actuelle situation. Le 15 dernier, le gouvernement sud-coréen a prononcé le message commémoratif du 15 août. Il y a absurdement dit que l'actuel immense défi est le problème nucléaire et des missiles du Nord, et lancé des propos provocateurs tels que isolement international et avenir terne. Son dernier message vise sournoisement à rejeter à nous la responsabilité de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne et à réaliser la politique de nature traîtresse avec les forces étrangères. Mais il est évident que les États-Unis et les autorités sud-coréennes sont entièrement responsables de la violation de la paix et de la tension en Corée, vu leur politique d'hostilité et leurs menaces frénétiques pour la guerre nucléaire contre la Corée. Le gouvernement sud-coréen a accusé à tort et à travers notre pays, louant de parler de ces démarches irraisonnables, en suivant aveuglément les États-Unis et aggravant la tension dans la péninsule coréenne, ce qui ne provoque que les critiques et l'ironie dans le pays et dans le monde. La paix et la sécurité de la péninsule coréenne ne peuvent être assurées parfaitement qu'avec la fin définitive de la provocation de guerre des États-Unis contre la République populaire démocratique de Corée. Si les autorités sud-coréennes veulent vraiment la paix, elles doivent voir correctement la nature de l'actuelle situation et s'abstenir de sympathiser avec les menées de confrontation militaire téméraire des États-Unis et de provoquer les compatriotes au lieu de nous accuser absurdement.